Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un film pour nos jeunes amis. Papy Noël, l'intrépide fiston de Chien Noël, commence à s'ennuyer dans le Grand Nord. Et pour bien montrer son agacement, il n'hésite pas à commettre bêtise sur bêtise. Un jour, il tombe sur le nom de Patapouf parmi la liste des chiens passage du Père Noël et il se fait fort de pouvoir un jour le rencontrer, histoire de lui ressembler. C'était la veille de Noël. La maison était calme, endormie. Il n'y avait pas un bruit, pas même un... Patapouf, qu'est-ce que tu fais? Rien, je voulais seulement goûter, je le jure. T'exagères, ces biscuits sont pour le plus gentil des copains. Il sait si on a été méchant ou si on a été sage. Et là, tu as été vraiment méchant. Yo, tant que les chiots ne dorment pas, le vieux chien ne passe pas. Vite, cachez-vous. Le chien Noël. Santa Buddies, en haute définition Disney Blu-ray et en DVD. Santa Buddies, ou en français Les Copains Fêtent Noël, un DVD pour toute la famille, signé Disney.